Les médias cambodgiens ont traité spécialement le 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. Le journal Nokkor Thom Daily a exposé à cette occasion le portrait en sourire de Kim Il-sung. La radio d'État a qualifié le grand leader coréen de penseur et de théoricien génial, de leader éminent sans pareil dans l'histoire et d'incarnation de la vertu et de l'amour pour l'homme. La radio Apsara et la radio FM 90,5 ont dit que le président Kim Il-sung est leader père affectueux de l'humanité qui s'éternise dans sa mémoire.